que de paraître beaucoup plus vieux. Dans la tête je n'avais presque rien. Dans la tête je n'avais presque rien. Dans la tête je n'avais presque rien. Dans la tête je n'avais presque rien. Presque rien. On m'a dit tu feras un bon politicien. Ce peuple de moutons a besoin de bergers. Il a besoin de toi pour lui de décider. Au fond de mon coco il y avait des idéaux. L'appareil du parti avec son gros marteau les a écrasés, les a aplatis. C'est la condition pour s'emparer du pays. Uh-uh.